Chapitre 3e. En refermant la portière de sa voiture sur cet homme élégamment vêtu, qui s'asseyait à côté de cette jeune fille misérable, le cocher de fiacre avait haussé les épaules. Mais il n'avait pas remarqué ce mouvement. Tous deux s'étaient assis sans rien dire, et la voiture avait roulé assez longtemps avant que ni l'un ni l'autre n'eussent pris la parole. Et cependant, que de choses à se dire, que de questions à se poser. Le colonel était resté les yeux attachés sur le visage de Thérèse. Et sous ce regard qui l'oppressait, elle n'avait pas même osé lever les yeux. « Vous me trouvez changé, n'est-ce pas ? » dit-elle enfin. « Oui, maigri. » Le voyage a été dur, car notre pauvre cheval était si fatigué que j'avais remords à me faire traîner par lui. Alors je descendais et je marchais. Il me semblait que ce n'était pas la fatigue seule qui avait dû donner à vos traits cette expression de souffrance. Avez-vous donc été malade ? Non, pas malade, dit-elle vivement, mais terriblement tourmentée par l'emprisonnement de mon père. On parlait d'une pénalité sévère, plusieurs années de prison, et j'étais à l'étranger. Les amis de mon père ne m'abandonnaient pas, il est vrai. Ils s'ingéniaient à m'encourager, à m'aider. Mais eux-mêmes craignaient pour eux. Plusieurs et des plus intimes, de ceux sur lesquels je comptais le plus, ont été emprisonnés aussi. D'autres ont été obligés de s'expatrier. Puis avec tout cela, le travail m'était difficile et cependant il fallait travailler. Si vous saviez combien est misérable en Allemagne le travail d'une femme. Et vous ne m'avez pas écrit ? Dit-il en lui prenant la main. Cela est mal. Si quelqu'un devait vous aider, n'était-ce pas moi ? Comment pouvais-je vous écrire quand je ne savais pas où vous étiez ? Si vous étiez resté à Paris, ou bien si vous étiez parti pour l'Italie. Elle prononça ce dernier mot à voix basse, comme si elle avait honte de cette allusion pleine de choses douloureuses pour elle. Si vous me reprochez de ne pas vous avoir écrit, ma cousine, ce reproche, je vous le jure, n'est pas fondé. J'ai tout fait pour savoir où vous étiez, mais inutilement. Deniso et Michel, qui aura pu me renseigner, sans doute, s'ils ont reçu vos lettres, étaient au secret, comme je vous l'ai dit. Et il m'a été impossible de communiquer avec eux. J'attendais leur jugement, et c'est il y a quelques jours seulement qu'il a été rendu. Nous l'avons lu dans un journal, à Nancy. Michel, 15 ans de détention pour attentat contre la sûreté de l'État. Deniso, 3 ans de prison pour menace à des agents, dans un mouvement insurrectionnel. Est-ce terrible ? 15 ans ? Terrible, en effet. Mais le colonel ne voulut pas rester sur ce sujet, car il ne s'y trouvait pas à son aise. Cette condamnation, en effet, à 15 années de détention, n'était-ce pas la rupture du mariage de Michel et de Thérèse ? On n'attend pas 15 ans pour se marier, et Michel, sans doute, sera le premier à renoncer à l'engagement que Thérèse avait pris envers lui. Si profondément touché que put être Antoine par cette condamnation pour une cause qui était la sienne, il n'imposerait pas assurément une attente de 15 années à sa fille. Dans ces conditions, Thérèse était donc libre, comme il l'était lui-même. C'était cette liberté qui lui fermait la bouche en ce moment, car la sienne était complète. Celle de Thérèse ne l'était pas. Elle dépendait de Michel et elle dépendait d'Antoine, cette liberté. Ce n'était donc pas d'une façon incidente qu'il devait aborder un pareil sujet. Avant tout, il devait s'expliquer avec son oncle. Il refoula les paroles qui lui montaient aux lèvres et posant sa main sur son cœur, il s'efforça d'en comprimer les battements trop précipités. L'avenir était à eux maintenant. Elle serait sa femme. Mais, s'il put imposer silence à sa voix, il ne put voiler ses yeux. Il la regarda si ardemment qu'elle détourna la tête confuse et troublée. Pendant quelques minutes, ils gardèrent l'un et l'autre le silence. Puis il reprit la parole. « Voulez-vous me permettre de vous adresser une question ? » dit-il. « Est-ce que vous avez vraiment besoin de ma permission pour cela, mon cousin ? » répondit-elle en tâchant de sourire. « Non, sans doute. Mais j'ai besoin que vous me promettiez de me répondre sincèrement. Je vous promets de répondre en toute sincérité à votre question, à moins que je ne puisse pas y répondre du tout. Ne croyez pas, ma chère Thérèse, que je puisse avoir la pensée de vous interroger sur un sujet où vous auriez embarras pour répondre. Je veux vous demander pourquoi, tout à l'heure, vous avez paru ne pas vouloir venir chez moi. Est-ce que vraiment ma proposition vous gênait ? Ce n'était pas pour moi que je parlais. Mais elle ne pouvait, il me semble, gêner en rien mon oncle. Au contraire, elle ne peut que lui être utile. Si Michel a été condamné à 15 ans de détention, il ne faut pas oublier que mon oncle a été condamné à 5 ans de prison et qu'il y a danger qu'on l'arrête. Ce n'était ni à moi ni à mon père que je pensais. À qui donc ? Mais vous ne voulez pas répondre ? Elle hésita un moment, puis levant les yeux sur lui et d'une voix affermie. Il me semble que nous ne sommes guère en état d'être reçus dans une maison comme la vôtre. Disant cela, son regard s'abaissa sur sa mauvaise robe. « Dans ma maison, » dit-il. « Vous n'avez donc pas des yeux pour voir ? » demanda-t-elle. « C'est justement par ce que j'ai vu, qu'il importe peu, il me semble, que je vois chez moi. Une fois de plus, une fois de moins, qu'importe. Mais si cela importe peu pour vous, par contre, cela importe beaucoup pour d'autres. Croyez que si je n'avais pas craint de vous fâcher, et que si en même temps, je n'avais pas pensé à la sûreté de mon père, je n'aurais jamais consenti à paraître dans cet état devant la maîtresse de cette maison. Mais il n'y a pas de maîtresse dans cette maison, cher enfant, s'écria-t-il. Sous le hâle qui avait rougi son teint, elle pâlit au point de devenir presque blanche. Votre mariage a été retardé. Mon mariage ne s'est pas fait. Ah ! Et il ne se fera pas. Il ne se fera pas. Balbutia-t-elle. Michel ne vous a donc pas écrit que je ne me mariais pas ? Michel ne nous a pas parlé de vous. Alors vous ne saviez pas ? Elle ne répondit pas, mais comme il la regardait, il vit ses lèvres agitées par un tremblement. Alors elle détourna la tête pour cacher son trouble et son émotion. Mais cette émotion se trahissait dans toute sa personne. Et il n'était pas question de voir son visage pour deviner les mouvements qui l'agitaient. Sa main tremblait et ses épaules se soulevaient rapidement comme si elle l'étouffait. Lui-même, en voyant cette émotion, était profondément troublé. N'était-elle pas un aveu, et le plus précis, le plus éloquent ? Pourquoi la rupture de ce mariage l'aurait-elle ainsi bouleversé, s'il n'y avait eu dans son cœur qu'un sentiment d'amitié ? L'amitié, la seule amitié, lui eût inspiré un mot de sympathie ou de regret, sans doute, tandis que ce qui se montrait en elle en ce moment, ce n'était certainement ni une douloureuse sympathie ni des regrets. Il fut entraîné à aller plus loin. Ce mariage, dit-il, m'avait été imposé pour des raisons auxquelles je ne pouvais honnêtement me soustraire. Il était une nécessité dont je souffrais, mais que le devoir m'obligeait à subir. Sa rupture n'a pas été un chagrin pour moi. Au contraire, elle a été un soulagement, une délivrance. Je retrouvais ma liberté. Comme elle ne répondait pas, restait la tête à demi tournée vers la glace de la voiture, les yeux baissés, il lui prit la main et la tira doucement de son côté. « Vous voyez, chère Thérèse, que vous pouvez, sans appréhension d'aucune sorte, venir chez moi. Vous y serez chez vous. » Disant cela, sans avoir bien conscience de ce qu'il faisait, entraîné par un élan spontané, il passa son bras par-dessus l'épaule de Thérèse. Mais au moment même où il l'attirait contre lui, sans qu'elle lui résistât, le cocher frappa contre la glace. Intrigué par la réunion de cet homme et de cette jeune fille qui lui avait paru si peu fait pour monter dans une même voiture, il s'était souvent baissé pour les surveiller. « Où est-elle, cette petite porte ? » cria-t-il. Ils étaient arrivés rue de Valois.